Les Tati Geeks en vacances. Depuis 2 ans, Tribidou, un petit groupe de Tati Geeks, novices et chevronnés, se réunit pour s'apprendre à créer et administrer des serveurs, ou plutôt des serveuses. Un serveur, ou une serveuse, c'est un ordinateur accessible à distance, installé pour offrir des services. Ça peut être stocker des données ou faire tourner des programmes. Comme par exemple le logiciel LibreTime, qui permet de programmer la web radio de Radio Rageuse, que vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre en juillet pendant les rencontres Radio Rageuse 2022. Tout ça en mode do-it-yourself, avec des vieux ordinateurs récupérés, plutôt que de passer par de gros hébergeurs commerciaux qui louent des espaces dans leurs serveurs situés dans des data centers. Un beau jour, les Tati Geeks de Tribidou ont découvert qu'il existait un monde incroyable, un réseau international de serveuses féministes connectées entre elles. Un peu comme la nébuleuse d'émissions de Radio Rageuse, qui rassemble des collectifs qui font des émissions féministes dans plein de villes différentes. Un réseau de serveuses pour s'entraider, se former, échanger des services, construire des infrastructures féministes de l'Internet. Alors cet été, les Tati Geeks de Tribidou sont partis à leur rencontre. Ça s'est passé en Espagne, en Catalogne, à Calafon, un lieu collectif autogéré post-industriel gigantesque au bord de la rivière la plus polluée d'Europe. C'était la 4e convergence Transac féministe. 8 jours intenses d'ateliers, de discussions, de performances et de fêtes. On peut dire que c'était le paradis des Tati Geeks. Pour partager ses rencontres avec la nébuleuse Radio Rageuse, l'équipe de Tribidou a branché un studio radio et a proposé de faire un direct chaque soir. Ça a été diffusé en FM localement et streamé sur la web radio de Radio Rageuse. Une façon aussi de tester la bonne marge de coquillage, leur toute nouvelle serveuse. L'émission que vous allez écouter a été enregistrée le lundi 31 août 2022. C'était le premier jour d'atelier de la convergence Transact féministe. Vous y entendrez d'abord Sophie Anamou retracer l'origine et l'histoire de ces rencontres. Puis, on a mis plus d'une oreille dans l'atelier de Claire Williams pour apprendre à capter l'invisible. Comme il ne faut pas oublier que le numérique, ça n'a rien de virtuel. Jess, du collectif Sourciendo, au Chiapas, nous explique son atelier sur les routes de la technologie. Elle nous invite à réfléchir sur les impacts matériels de l'utilisation des technologies sur les territoires, les corps, sur les conditions de travail à l'échelle internationale et à se questionner sur comment créer une technologie moins nocive et destructrice. Pour finir cette émission, Spider Alex présente le projet Léla Codeur, qui enquête sur la diversité des contributions des femmes et autres identités de genre aqueuses à la culture libre. Pour aussi comprendre comment IL s'y sont mises, comment IL ont appris et qu'est-ce qu'elles font actuellement. Vous êtes contents parce que moi, en tout cas, si on est hyper contents. DHF Radio Live, Transact, Féminisme, Convergence, 107 FM 2022, 107 FM sur Radio Rageuse en direct. Qu'est-ce qui se passe? VLF, very low frequencies, this one, no? No. Yeah, but you, I thought it was a VLF, so very low frequency, so it would be close to, for example, the electromagnetic field that electricity would give, and you would hear like a 50 hertz brom, like, gzzz. You hear something like that? Perfect, yeah. But there is also a lot of metal inside, so it's not going to work. No, it's too much metal. But you walk a little bit around there. Alors, bonjour, si vous nous entendez, c'est soit que vous êtes autour de la table à Arduina, dans une des pièces secrètes de Calafou, ou alors que vous êtes en train d'écouter le 107 FM aussi à Calafou, ou alors que vous avez eu l'information et que vous êtes en train d'écouter tribidou.gendertrouble.org sur le serveur coquillage. Et en tout cas, on est très émus ce soir d'être là. On est très nombreuses autour de la table. Et on n'a pas vraiment préparé, mais ce n'est pas grave parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses à dire. Et peut-être on peut commencer par une petite mise en contexte. On a déjà fait une petite mise en contexte hier parce que c'est quand même notre deuxième émission. Et toute la semaine, vous pouvez écouter des nouvelles en direct du THF à Calafou, Transac Féministe Rencontre. Alors bon, peut-être Sophie, tu peux un peu raconter qu'est-ce que c'est que cette rencontre, un peu l'histoire, parce que tout à l'heure, il faut dire quand même que c'est la... Bon, nous, on est là déjà depuis plusieurs jours et on trimballe des chaises, on nettoie des tables et tout. Mais là, aujourd'hui, vraiment, ça a commencé les ateliers. Et donc, pendant cette heure, on va vous parler de plein d'ateliers où on a été, qu'on a adoré. Et tout à l'heure, il y a eu aussi le moment qu'on a partagé un rituel pour se réunir, se rencontrer. Et tu as fait partie des gens qui ont expliqué l'histoire du THF. C'est pour ça. Oui, c'est ça. Donc, en fait, la petite histoire du THF, elle commence en 2014 et peut-être même avant 2014, parce que avant que la première édition du THF qui s'est déroulée à Calafou que ce moment arrive, on a dû y penser. Et donc, il y a, je dirais, trois raisons principales pour lesquelles la nécessité d'un espace transhack féministe est née. Et je dirais la première raison est que plusieurs d'entre nous allions dans des meetings de hackers où est-ce qu'il y avait très, très peu de diversité. Très peu de féministes, très peu de personnes trans, très peu de personnes queer. Alors, on a ressenti un besoin d'être en communauté et de créer un espace qui serait autre et qu'on pourrait en fait imaginer des nouvelles bases sur lesquelles on pourrait construire notre espace comme on le désire, selon les principes qui sont importants pour nous. Alors, ça, c'est d'une part. D'autre part, il y avait le besoin de se rencontrer, d'être en communauté, donc de réseauter, de tisser des liens, parce que c'est ça aussi de l'infrastructure féministe. Ce n'est pas juste numérique, c'est pas juste matériel, c'est physique, mais c'est aussi des êtres humains qui rentrent en relation. Et la troisième raison, c'est peut-être on avait besoin d'un espace pour parler de manière critique des technologies, de ces aspects de modernité, de progrès qu'on avait envie de repenser, de critiquer et de mettre au défi une pensée qui était unique et très occidentale. Et bien évidemment, que notre espace soit... anticapitaliste et anticolonial. Donc ça, c'est les trois raisons qui ont fait en sorte qu'on a créé ce premier THF en 2014. Et on a eu à peu près 80 participantes et participants qui sont venus, beaucoup d'Europe et beaucoup des Amériques, très, très peu de l'Amérique latine. La deuxième édition en 2015 s'est déroulée à Puebla, au Mexique. Et l'organisation hôte de ce THF était Técnicas Rudas. Peut-être que tu veux dire quelques mots. Gracias, Sophie. En ese momento estábamos accionando desde una colectiva que se llama Acción Directa Autogestiva. Merci Sophie. En ce moment, on agit à partir d'un collectif qui s'appelle Action Autonome Autogestive. Y en realidad, como después de participar en el primer THF, para nosotras era como un asunto bien bonito pensarnos en este cuestionamiento del cuerpo a partir del trans, pero también todo lo que puede ser lo trans, como transformar, transgredir, traspasar. Donc la première édition du THF, ça nous a permis de déboucher à partir du mot trans sur les problématiques du corps. Mais à partir de ça, on est allé vers le transgresser, le transformer, le transmuter, et c'est ça qui a donné lieu à l'ambiance du THF. En esa época, la colectiva en la que participo tenía un centro comunitario. À cette époque, le collectif dans lequel j'étais avait un centre communautaire, un centre social. Y teníamos relación con muchas organizaciones que trabajaban desde el activismo, los movimientos de la tierra y otro tipo de feminismos. Et on était en relation avec des organisations activistes diverses, donc des personnes qui luttaient pour leur terre, des féministes, diverses personnes d'un réseau plus large. Entonces se hizo una convocatoria para poder crear la convocatoria a el THF de México. Et donc j'ai créé une assemblée de convocantes pour inviter les personnes au THF, au Transfac Féministe à Mexico. Al principio la intención fue poder convocar a un THF en el cual pudieran compartir compañeras de otros territorios y del norte y del sur global y del este y del oeste. Et l'intention de départ en convoquant toutes ces personnes et ces camarades au THF, c'était de pouvoir échanger avec ces camarades du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Sin embargo, al estar en ese proceso organizativo, nos dimos cuenta que habían algunas condiciones de seguridad sobre las cuales no estábamos tranquilas de poder lanzar la convocatoria. Años después entendimos que era un momento en que el gobierno mexicano había iniciado una persecución de los grupos anarquistas. Et cependant, pendant l'organisation de cette assemblée de convocation, s'est confronté à des problèmes de sécurité sur lesquels on n'était pas tranquille parce que c'était un moment où le gouvernement mexicain avait commencé des offensives sur divers réseaux alternatifs. Y al final se hizo una convocatoria que fue mucho más local y fue bonito porque creo que en ese THF estuvo presente el tema del cuerpo, pero también se sumaron otras cosas como los movimientos territoriales y los movimientos por el trabajo. Et donc finalement, cette assemblée de convocantes, elle a été beaucoup plus locale que ce qui était prévu. Et donc ça a été un THF en modèle réduit, mais ça a été très joli parce qu'on est parti des thématiques du corps pour aller vers les mouvements des territoires et les luttes du travail. Y después de eso, dentro de los procesos de América Latina, se movió mucho más el ciberfeminismo, el hack feminismo. Sin embargo, el transhack feminismo no ha sido como muy adoptado. Et entre-temps, les mouvements du cyberféminisme et du transhack féminisme et du hack féminisme ont beaucoup évolué au Mexique, mais cependant, la notion ou la mouvance du transhack féminisme n'a pas vraiment fait son chemin au Mexique. Y no estamos seguras si eso se debe a algún proceso aún de pensarnos en lo binario y si en algún momento esto también va a ser transgredido. Si, en algún momento. Va a ser transgredido. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas sûr de si ça vient d'une discussion qu'on n'a pas eue sur la question de la minorité ou si c'est quelque chose qui sera à un certain point transgressé. Y ahora estamos muy contentas de estar acá y después de ese momento fue a Canadá. Et donc on était très contentes d'être ici et en ce moment, on est allé au Canada. Alors, je reprends le relais. Donc, on a eu la troisième édition du THF Montréal en 2016, donc un an plus tard. Et c'était aussi en micro-format, cette édition. Et puisque le Canada est une colonie de peuplement sur laquelle, en fait, les habitants blancs vivent en territoire autochtone non cédé, donc, l'une des dimensions qui était très, très importante pour l'organisation du THF 2016 était de penser les technologies décoloniales et aussi d'une manière anticoloniale. Donc ça, ça a été un des axes, un des trois axes du THF Montréal. L'autre axe était les pédagogies queer, antiracistes et féministes. Et finalement, le troisième axe était, le hacking with care. Donc le hacking avec le soin. Et 6 ans plus tard, on atterrit sur la 4e édition du THF 2022 à laquelle nous participons. Et peut-être un dernier point que j'aimerais mentionner, c'est que cette édition est extrêmement internationale. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est très international, c'est que grâce à Donastec, l'organisation dans laquelle, par exemple, Spider Alex et d'autres personnes sont impliquées, elles ont réussi à lever des fonds pour financer le voyage de certaines personnes qui sont à l'extérieur de l'Euro-Amérique ou des Euro-Amériques. Donc ça, je pense que c'est aussi très important à souligner que si on n'a pas, si on donne pas l'accès avec des fonds pour le voyage, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas voyager ici, en fait. Ben, merci pour cette histoire. Peut-être juste de dire, là, il y a une thématique particulière. Oui, alors j'ai envie d'en parler. La thématique, rapidement, donc c'est sur les infrastructures féministes. Et donc, les infrastructures féministes, on peut les comprendre de différentes manières. En fait, on a besoin d'infrastructures féministes pour parler, pour communiquer. On en a besoin pour prendre soin de nous-mêmes, pour être en réseau. Donc, elles sont en fait essentielles. Et souvent, elles sont invisibles. Mais parfois, c'est de l'invisibilité qui est voulue. Et parfois, c'est de l'invisibilité qui est non voulue. Et les infrastructures numériques, ben, il y a plusieurs d'entre nous. En fait, toutes les personnes qui sont ici participent d'une façon ou d'une autre au développement d'infrastructures numériques, que ce soit la radio féministe, que ce soit des serveurs féministes, que ce soit l'IA, l'intelligence artificielle féministe, que ce soit des chatbots ou des agentes conversationnelles féministes, et j'en passe. Para mí, yo creo que este año, bueno, después de un par de años de pandemia, el poder convocarnos, como dice Sofí, desde la infraestructura feminista ha sido algo bien poderoso, como uno de estos procesos en donde tenemos que volvernos a pensar qué significa el tener infraestructuras feministas. Donc cette année, c'est une édition qui a lieu après 2 ans de pandémie. Donc ce qui se passe ici, c'est quelque chose de très puissant puisque ça nous amène à revenir à réfléchir à ce que veut dire une infrastructure féministe. Sentimos un poco que después de estos años nos hemos la pandemia ha hecho que nos fragmentemos un poco, pero también en algunos momentos o para algunas de nosotras desde nuestros territorios que nos olvidemos un poco también de dónde venimos. Parce que cette pandémie, elle nous a pas seulement fragmenté, elle a aussi fait qu'on a un petit peu oublié en nous d'où on vient. Y este momento creo que es muy importante porque es poder volvernos a ver los ojos y en el reflejo de la otra recordarte. Et ce moment, il est donc super important parce que il permet que dans les yeux de l'autre, on puisse se souvenir. Y volver a recordar las palabras que nos decíamos entre unas y otras para lograr un lenguaje comunicante. Et se souvenir des mots dont on a besoin pour arriver à un langage communicant. Y este es un momento muy importante porque no sabemos cuántas veces más podamos estar reunidas, pero sabemos que queremos seguir haciendo juntas. Entonces es un momento de poder crear conspiraciones. Et donc c'est un moment important parce qu'on ne sait pas combien de fois on va pouvoir encore se rencontrer et en même temps on sait que le temps est précieux et que tout ça c'est du temps de conspiration. Que en este momento el mundo parece doloroso y difícil, pero en realidad hay un montón de esperanza y creo que es un momento de recargarnos y de sabernos y de abrazarnos y de sentirnos como hermanas y continuar. En ce moment, le monde nous apparaît comme voilà dans une période difficile, douloureuse, Alors que moi, je pense que c'est un moment d'espoir. C'est un moment de se recharger et de se retrouver dans la sororité et de retrouver la puissance dans le partage avec nos sœurs. Entonces, en este THF, hay un montón de nodos que tratan sobre infraestructura, pero también que tratan sobre cuidados, pero también que tratan sobre experimentación. Y creo que eso estamos sentando las bases de lo que vamos a seguir construyendo. Donc ce THF, il construit des nœuds sur différents sujets, donc les infrastructures, le soin, l'expérimentation. Et tout ça, ce sont des domaines qui, pour moi, vont nous permettre de construire les bases pour continuer. Bah, merci pour cette présentation et pour les personnes qui ne connaissent pas le Transax féministe et le THF. Je pense que ça donne vraiment envie de connaître et d'en savoir plus. Là, on va peut-être rentrer dans les ateliers, parce que là, aujourd'hui, on a commencé, il y a un tableau, enfin, peut-être, chacun peut prendre la parole, chacune peut prendre la parole et raconter un petit peu, mais on est quand même nombreuses, on est une centaine de personnes, là, dans un lieu qui est quand même assez fou, mais très grand aussi, et assez particulier, dont on a parlé hier. Là, à côté de moi, il y a Claire qui a fait le premier atelier ce matin. Tout autour de la table, on y était parce qu'on est quand même des fans de radio et que c'était un atelier qui parlait des ondes et d'écouter l'invisible. Donc là, tout le monde peut aussi participer, poser des questions ou rebondir puisqu'on était quand même assez nombreuses à cet atelier. Alors, est-ce que tu peux te présenter peut-être ? Bonsoir, je m'appelle Claire et donc voilà, j'ai donné un atelier ce matin qui proposait d'investiguer l'invisible et plus spécifiquement les ondes électromagnétiques qui nous traversent. Donc comment on peut, en construisant des outils très low-tech, très DIY, capter voilà, ces énergies qui nous entourent, qui nous traversent, ces fantômes de conversations téléphoniques, de satellites, mais aussi d'ondes cosmiques. Et comment on peut aussi regarder à travers une histoire, l'histoire de la place des femmes qui ont forgé ce spectre électromagnétique à travers des pratiques occultes avec leur corps, d'instruments qu'elles inventaient. Tu peux donner des exemples ? Moi, c'est ça que j'ai trouvé complètement fou dans l'atelier ce matin, parce que souvent, quand on cherche la place des femmes dans l'histoire de la radio, il n'y a pas beaucoup de documents. Et souvent, on nous répond, mais non, elles n'étaient pas là. Et là, en fait, ce matin, de voir aussi qu'on peut les chercher à des endroits inattendus. Oui, j'ai présenté ce matin des recherches à travers d'archives. Donc voilà, c'est un peu un questionnement. On est là en faire des instruments, faire de la radio, mais quel est notre héritage ? C'était un besoin que j'avais envie aussi d'avoir dans une histoire qui n'est pas racontée. Ce n'était pas en cherchant dans les encyclopédies l'histoire des sciences classiques, des prénoms de femmes, mais c'était plutôt en fait regarder à côté. Et donc dans l'histoire des technologies, au début du 19e siècle, on a les premiers télégraphes électriques qui se mettent en place, communiquent de manière désincarnée à des personnes à l'autre bout de la planète. Et ça a ouvert tout un cheminement d'exploration à travers l'invisible, de comment les populations pouvaient d'un seul coup se dire « mais je peux parler à quelqu'un qui n'est pas incarné ». Et du coup, ça a ouvert toute une pratique des sciences expérimentales à cette époque-là, où on ne faisait pas la distinction encore de science et non-science. Et au même moment, on a l'avènement du mouvement spiritualiste. Donc c'était le début de ces fameuses séances où on faisait tourner les tables et on avait des femmes médiums qui venaient et qui, d'un seul coup, par exemple, canalisaient leurs énergies à la façon des circuits, des télégraphes électriques, donc en utilisant leur corps comme câble, le collectif comme énergie et leur batterie pour communiquer avec des télégraphes célestes, donc des télégraphes qui auraient été construits dans l'au-delà pour délivrer des messages des morts aux vivants. Et donc à travers ça, ce qui m'a intéressé, c'était aussi de regarder autant leur corps qui va servir d'antenne de manière de capter les choses, mais aussi les instruments et les dispositifs mis en place pour essayer de communiquer de manière de plus en plus efficace. Donc on a les fameuses Ouija boards, donc les planches de Ouija où on a l'ABCD, mais aussi différentes planchettes qui permettaient à ces femmes d'être... d'être prise par des entités et de pouvoir de plus en plus rapidement communiquer des messages directs. Et c'est aussi une analogie que je trouve intéressante par rapport à l'histoire des femmes dans la science qui est plus connue, celle des femmes ordinateurs. Donc ces femmes qui programmaient et câblaient les premiers ordinateurs, les femmes télégraphes, les femmes téléphones aussi, et les dactylos qu'on connaît d'une histoire plus récente. Et comment, voilà, on a ces femmes qui servent dans ces questions de langage, de communication. Voilà. Et donc, pas mal d'histoires, elle est plus spécifique, de femmes qui aimaient bien construire des récepteurs radio et qui ont créé des machines aussi pour essayer de guérir, par exemple, donc le soin à travers le type d'ondes qu'on pourrait faire, comment on va chercher aussi des méthodes de clairvoyance chimique en modulant son corps pour aller voir des matières subatomiques ou parler avec des entités extraterrestres. Donc voilà, ça mêlait un peu différents exemples précis quoi. Oui, je crois qu'il y a un fantôme qui lui parle. Marthe, Véro, Palo. Je vais vous décrire, je vais vous faire l'audio description de ce qui s'est passé dans cette pièce où on a essayé de capter l'invisible, entendre l'invisible avec une petite antenne et un petit circuit qui a été fabriqué aujourd'hui même pendant l'atelier, parce que l'atelier avait donc une partie plus théorique et une partie vraiment de pratique des antennes. Donc là, c'est... Quelqu'un veut rajouter, décrire mieux ? Bon, non. Alors, on peut peut-être écouter, parce qu'on a pris aussi un petit peu de son d'ambiance de l'atelier. Donc on peut écouter un petit bout de l'ambiance de l'atelier. Et les résistances. Donc on va commencer par le socket. Et en socket, il faut faire attention. Si vous regardez, il y a un petit... vous voyez, un petit arc de cerf coupé, là. Vous voyez, là il n'y a rien, c'est plat, et là il y a un petit arc de cercle. Et sur les schémas électroniques, c'est indiqué avec un petit rond. Donc comme ça, tu sais que tu dois le mettre dans ce sens-là. Donc là, on met notre socket ici. Hop. Des petits arcs. Hein ? Ouais, là, ce petit rond, ça veut dire c'est dans le sens, c'est pour ta puce. Parce que la puce, après, quand vous allez voir, elle a aussi un espèce de petit trou comme ça, pour dire, bah, sinon ça inverse totalement le sens du circuit. Donc, faut faire attention. Oula, ma... Et après chaque... Ok, alors le cercle du là. Des fois il faut un petit peu rentrer les battes si ça rentre pas. Avant tu loses le pin 7. Et là on fait rentrer. Donc voilà, ici ça tient, hop, et on va souder ici du coup. Derrière, un petit point de soudure sur chacune des battes. Donc, est-ce qu'on a de l'étain là ? Là, il chauffe déjà. Ouais. Sur un truc avec le petit, il chauffe. Donc, je vous montre un pour. Tu fais, ouais. Un seul et après vous faites. Hein. Donc, pour la soudure. En fait, la technique, c'est qu'on a quelque chose ici. On met son fer qui doit légèrement chauffer la partie en métal. Ça, on voit pas grand-chose. Donc là, et là, je mets mon étain. Et puis, il doit fondre là. Alors, attendez, est-ce que pas très chaud ? Tu vois, le fer a déjà pas très propre. Et là, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, tu attends et tu remontes comme ça pour faire une petite montagne. Donc faut pas faire. On enlève parce que là, tu peux compter jusqu'à 6, jusqu'à 8, ça chauffe bien et tu remontes. Donc c'est vraiment le temps pour que ça prenne bien ton composant électronique. Parce que si c'est trop sec, ça va faire une espèce de boule. Vas-y. Voilà, c'était un petit son de l'atelier ce matin, parce que donc la partie. Pourquoi c'est important de faire cette pratique? Donc dans les workshops, c'est aussi de proposer de faire quelque chose de manuel. Et donc là, c'est un petit circuit électronique. Donc aussi, dans cet héritage, comment on peut aussi imaginer d'autres types de circuits, quelle technologie on a envie d'avoir avec nos savoir-faire, nos rêves, toutes ces genres de questions qui sont souvent des techniques qui sont... pas mis au service des gens. Donc c'est souvent une minorité de personnes qui choisissent et définissent la manière dont on doit utiliser et fabriquer nos machines, nos circuits. Et donc là, c'est un petit circuit qui permet, juste un petit amplificateur qui permet à tout le monde de souder quelques points. Et ce petit amplificateur, on va aussi fabriquer une antenne de manière artisanale, donc en récupérant... des choses recyclées avec un fil de cuivre et avec juste un petit composant comme ça et cette petite antenne artisanale, on va pouvoir accéder à le monde des ondes électromagnétiques, donc une petite portion. Donc c'est les sons que vous avez entendus au début, c'est cette antenne qui capte et c'est les ondes qui sont des basses fréquences, donc celles qui viennent des auras électroniques de nos machines. Donc c'est le 50 Hz, c'est les sons de l'électricité, c'est les sons des moteurs, des néons, on entend aussi des puces GSM et parfois aussi la radio. Donc voilà, c'est vraiment sans prérequis, comment voilà, on peut, en une heure, deux heures même, rentrer dans différents mondes, différentes réalités, à travers des savoir-faire, et surtout ne pas être dans un savoir-faire technique, mais plutôt expérimental. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont assisté, qui ont pratiqué à l'atelier, qui ont envie de dire quelque chose ? De raconter, parce que du coup là autour de cette table on est plusieurs à avoir construit des petites antennes et des petits circuits. Ouais, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Toi tu verras. Moi ce que j'ai trouvé rigolo aussi dans ce que tu racontais, c'est le côté subversif aussi. Là je reviens sur les médiums, parce qu'on n'a pas parlé qu'elles passaient aussi des messages politiques. Elles ont profité pour passer des messages politiques. Je trouve que c'est quelque chose que moi, je ne savais pas du tout. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Oui, donc un peu ces tentatives que je fais là, mais que je fais aussi en collectif avec d'autres femmes autour des questions de la radio, comment on se réapproprie aussi le spectre électromagnétique. Et là, c'est intéressant aussi. Donc, ces femmes médiums qui venaient avec... toute cette question d'énergie, d'onde. Et donc pendant leur séance médiumnique, c'est un exemple que je racontais, donc souvent ces médiums venaient de classes populaires et étaient très souvent liés étaient très politisés, beaucoup pour le droit de vote des femmes, pour le droit à l'avortement. Et quand elles devenaient médiums, elles sortaient de l'époque victorienne patriarcale, sortaient de chez elles, voyageaient et arrivaient à faire ces séances dans les upper class, donc chez les bourgeois, donc dans les salons des bourgeois. Et c'était aussi l'occasion, vu qu'elles étaient souvent prises par différentes entités. Ah oui, pardon. Oui. Le micro. Elles étaient souvent hantées par différentes entités et ça leur permettait de faire passer des messages politiques, sur les questions de droits des femmes, sur les questions des pauvres par rapport aux riches. Et vu qu'elles étaient occultes, personne ne pouvait leur dire, parce que c'était évidemment interdit de parler de ça, et encore moins d'une femme. Donc vu qu'elles étaient complètement occultes ou possédées par quelqu'un d'autre, elles passaient ça. Et aussi beaucoup de questions autour de la... où c'était l'époque aux États-Unis où il y avait toute la... les États-Unis qui étaient en train de se créer et le génocide des Indiens. Donc aussi pas mal de messages qui étaient passés à ce niveau-là où des entités indiennes, par exemple, venaient hanter ces femmes pour dialoguer aussi avec, avec les personnes présentes. Et on peut dire aussi... que cet atelier il était enregistré parce qu'il y a tout un système de documentation qui est en place au THF. Et donc, les ateliers, pas mal d'ateliers sont en streaming. Donc, quelqu'un se souvient de l'adresse du streaming ? On va le trouver d'ici la fin de l'heure. Donc, on peut assister aux ateliers à distance en se branchant sur le PeerTube. Sur le PeerTube. Et peut-être qu'on va faire aussi un moment dans une émission pour expliquer qu'est-ce que c'est que le PeerTube aussi. Parce qu'il y avait aussi aujourd'hui un atelier pour expliquer comment participer, comment faire un PeerTube, qu'est-ce que c'est qu'un PeerTube et comment participer. Je vous propose, tu as envie de rajouter des choses ? Non. Peut-être sur le lien avec la couture ou Oui, c'est aussi l'occasion, voilà, comme je disais tout à l'heure, d'expérimenter, de réfléchir ensemble à quelles techniques de prédiction, quels instruments on a envie de construire pour comprendre ce monde dans lequel on vit de manière un peu en dehors de ce qu'on nous a enseigné. Et donc là... On fait des petites pauses, c'est pour la traduction. Pardon, je me trompe vite. Je suis une rivière quand je parle, donc c'est dur pour les gens qui traduisent. Okay. Voilà, une rivière qui va lentement. Et donc c'est aussi une pratique collective que j'ai fait avec des techniques open source, comment on investit avec nos savoir-faire. Donc là, c'était avec des personnes qui venaient du milieu de l'artisanat, du textile, et donc fabriquer nos propres composants électroniques, nos propres systèmes, nos radios brodées, nos ordinateurs brodés, et d'essayer de s'emparer de ce monde-là, de ces boîtes noires et dures, par le mou et par le mou et les fils. Ok, merci beaucoup. Peut-être on mettra aussi, tu peux faire un lien pour qu'on aille regarder ça. Il y a un endroit où on peut aller regarder ton travail. Oui, et puis j'ai la documentation de la fabrication, donc de les recettes aussi sur mon site. Donc vous voulez refaire des choses, refaire le capteur d'ondes électromagnétiques, tout est en open source et documenté. Super. Est-ce que vous voulez, est-ce qu'on passe à une petite pause virgule musicale en direct de Arduino ? Toujours à Arduina, à Calafou, on fait donc tous les soirs, vous pouvez écouter à 22h, on fait un petit studio radio pour un peu partager ce qu'on vit ici au Transac Féminisme. Et puis vous pouvez aussi le partager en direct en regardant donc sur le PeerTube, qu'on expliquera un jour ce que c'est. L'adresse c'est tube.sisterserver. Sister Server, SYSTERSERVER .net. Et donc là, si vous y allez maintenant, par exemple, et ben vous pouvez. En ce moment, il y a une performance qui a lieu avec une performance de VJing et tout, et c'est retransmis en direct. Donc vous pouvez suivre une partie de ce qui se passe. Pas tout, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers qui se passent en même temps. Et on va donner la parole à Jess qui a animé un atelier cet après-midi qui s'appelait donc les routes de la technologie. On était là. Est-ce que tu peux te présenter ? Parce qu'on n'a vraiment pas eu le temps de préparer, alors. C'est vraiment contributif autogéré, ce plateau radio. Et en plus, c'est double traduction. Pardon. Détails logistiques. Petit détail logistique. Bon après-midi. pues, qué divertido escuchar radio en francés. C'est trop rigolo d'écouter la radio en français. Y gracias a mi traductora personal. Merci beaucoup à ma traductrice personnelle. Yo soy Jess, formo parte de una colectiva que se llama Surciendo. Estamos, ¿Surciendo? Sí. Uh-huh. Estamos en Chiapas, al sur de México, muy cerquita de Guatemala. Donc, je m'appelle Jess, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Surciendo, qui est situé dans le Chiapas, au sud de México, vers le Guatemala. Y hoy compartí un taller sobre, que nombramos la ruta de las tecnologías y que desarrollamos con una colega, que no está por aquí esta vez. Donc, aujourd'hui, j'ai présenté un workshop, un atelier qui s'appelle Les routes de la technologie, que j'ai préparé avec une camarade qui aujourd'hui n'est pas là. Y donde intentábamos materializar lo más posible las afectaciones de las tecnologías que utilizamos a diario. Et c'est un atelier où on essaye de matérialiser le plus possible les impacts, les affects que crée l'utilisation de technologies quotidiennes. Y justo pensaba que utilizamos a diario la mitad de la población, porque la otra mitad no la utiliza a diario. Et justement, on a découvert que c'était l'utilisation quotidienne de la moitié de la population, parce que l'autre moitié de la population n'en a pas accès. Y pues en realidad fueron varias conversaciones. El taller intenta mapear esas afectaciones en tres dimensiones sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras relaciones de trabajo y sobre nuestros territorios. Et donc, on a essayé de cartographier ces aspects, ces impacts de la technologie en trois dimensions différentes. L'une qui était relative au corps, l'une par rapport au rapport de travail qu'on entretient et l'autre par rapport au territoire. Y pues a partir de eso intentar pensar también que en qué acciones ya estamos involucradas para generar otros impactos más deseados, más amorosos, más cuidados. Et la deuxième partie nous a amené à réfléchir sur les actions dans lesquelles on est déjà impliqué pour créer une technologie et pour créer une communauté plus amoureuse, plus respectueuse, moins nocive et destructrice. Et pues así, quizás quienes estuvieron puedan compartir un poco más cómo estuvieron. Voilà, c'est ça. Et donc peut-être que c'est à vous de partager comment vous avez trouvé ça. ¿Qué es tan divertido? Es muy bueno. Es muy bueno. Je trouve ça super. Peut-être en plus amoureuse. Touch, touch, touch. Plus respectueuse. Eh ben, en tout cas, on peut raconter la forme de l'atelier, qui était qu'en fait c'était un atelier en petits groupes à partir d'un c'est une forme que vous avez inventée avec des cartes pour faire réfléchir de façon très concrète. Ah, ok. Sí, claro. Pues. Trabajamos sobre mapas, imprimimos unos mapas basados en los mapas de Peters, que son como más, otra forma, digamos, de cartografiar el mundo, que no es como con la América del Norte, o sea, con todo el norte global tan grande. ¿Cómo se llaman esas cartas? Mapa de Peters. Peters. ¿Mm? Así mero. Es como un mapa disidente, vamos a decir. Y sobre eso, pues sí, esos tres grupos, digamos esas tres dimensiones, trabajamos en grupos a partir de casos concretos que buscamos de afectaciones que pasan en distintos territorios. On travaille sur des cartes imprimées qui sont des cartes dites de Peters. qui sont une autre façon de cartographier le monde. Hein, voilà, on va dire que c'est des cartes un peu dissidentes. Et du coup, il y a ces trois groupes, ou ces trois dimensions, on va dire, qui travaillent sur ces cartes avec des petits papiers qui relatent des cas concrets d'affect ou d'impact que la technologie a sur voilà, nos corps, notre travail et nos territoires. Y pues un poco la idea era generar como esas conversaciones, pues con datos lo más duros posibles, aunque desactualizados. Son prepandémicos. Et donc l'idée c'était de générer des conversations avec à partir de data, à partir de données les plus dures possibles, les plus concrètes possibles, bien que plus actuelles puisque elles sont d'être d'avant la pandémie. Oui, on peut donner des petits exemples de choses qui nous ont marquées dans les... je ne sais pas, vous souvenez un petit peu des cartes qu'on a lues. Moi, je me souviens par exemple des 500 000 téléphones produits par jour. Il y avait aussi pas mal des chiffres sur les rapports de salaire, sur le pourcentage de femmes qui travaillent dans les industries, à quelle tâche. Il y avait beaucoup d'infos, vous vous en souvenez, vous avez envie d'en partager. Pour moi, c'était important de visualiser les colonisations qui ont passé, présentes, tout le temps. Et c'est important de penser ça si nous voulons les briquer. Moi, j'étais dans le groupe en lien avec le corps, la relation au corps. Et certaines des cartes que l'on a eues, il y en avait une qui parlait de l'impact des téléphones ou des écrans d'ordinateur que l'on utilise au quotidien sur notre corps physique et sur des maladies que ça crée, que ce soit des tendinites, aux épaules, aux poignets et autres. Ensuite, suite à l'extraction de minerais, notamment je crois que c'était le cuivre, donc le cuivre avait des impacts néfastes sur le corps de plusieurs travailleurs et travailleuses et de ceux qui vivaient dans les communautés où est-ce que l'extraction se faisait. Et puis finalement, je m'en souviens d'une troisième carte qui, elle, était au sujet des modératrices et des modérateurs de contenu sur Facebook, qui sont notamment localisés aux Philippines et qui voient à longueur de journée des vidéos horribles. Donc, quel impact ça a sur leur corps? C'était formidable comme atelier. Et aussi, c'est des sujets souvent que, je crois que tu disais en introduction, c'est souvent des sujets dont on parle peu, que c'est difficile de créer un espace de parole autour de ça. Creo que poco a poco se ha empezado a hablar un poco más. También creo que seguimos sintiendo que no tenemos nada que ver con eso, la verdad. Pero y que las acciones normalmente están en un lugar más lejos, ¿no? Y hay cosas que están muy lejos y hay cosas que están muy cerca. Entonces, ¿quieres que pare? Sí. Ok. Oui, bon. Peu à peu, ça commence à être un sujet de discussion. Surtout aussi parce qu'on n'a pas l'impression qu'on n'a rien à voir avec ça non plus. Donc, il y a certaines de ces choses qui sont lointaines et d'autres qui sont très proches. En 2019, hicimos un taller en Chiapas con todas personas pues o una inmensa mayoría de América Latina o de esa región, digamos, México, Guatemala, de esa zona, pero de distintas procedencias. Algunas eran defensoras del territorio, otras eran académicas, activistas, gente que trabajaba con, más duro con las tecnologías, y gente que solo pensaba alrededor de ellas. Bueno, el solo no lo digas. Y también es muy interesante como visibilizar, digamos, los distintos niveles de impacto y de relación con esas tecnologías, ¿no? Y parte de lo que, te juro que me callo acá, parte de lo que salió hoy que tenía que ver con pues el rol que juegan esos privilegios en distintas, en cada una de nosotras, digamos, ¿no? A veces desde una condición muy moralizante. En 2019, on a tenu cet atelier dans les Chiapas avec des personnes d'Amérique latine, donc plutôt de cette région-là, Mexique, Guatemala. Et il y avait donc des personnes qui venaient de divers endroits du réseau. Donc il y avait des défenseurs du territoire, il y avait des universitaires, il y avait des travailleuses, il y avait des personnes qui travaillaient dans la tech, il y avait des gens qui pensaient autour de la tech. Mais ça, il ne faut pas le dire. Ça a permis quand même de visibiliser les différents niveaux d'impact d'utilisation des technologies, et ça a aussi débouché sur voilà, l'articulation de c'est quoi le rôle de nos privilèges dans ces utilisations et dans ces impacts. Pero sí, en definitiva, creo que hay varias cosas que apenas empezamos a caminar y muchas, como muchas resistencias o muchas luchas que no se ven hermanadas. Y creo que eso es un desafío importante. Alors, bon, à la fin, c'est quand même quelque chose qui commence à circuler. Mais les différentes luttes sur les différents points de cette question se voient malheureusement pas encore converger ou mises en connexion. Elles sont pas encore devenues des sœurs. Est-ce que tu as envie de relancer une question? Parce que je sais que tu avais... La pregunta era si yo quiero preguntar cosas, porque yo había también ganas de preguntar cosas. Quizás nos quieres hablar más un ratito de tu colectivo. ¿De dónde vienes políticamente y dónde estás? Esas son preguntas muy complicadas. Uy, okay. Lo que quieres. No, está bien. Pues empezamos a trabajar en Chiapas hace unos 10 años. No, 11. Bueno, más o menos. Y al principio trabajábamos mucho más en relación con procesos de defensa de territorio, como para el uso de las tecnologías al servicio, vamos a decir, de los procesos de defensa, ¿no? Y por el otro lado, trabajábamos cosas de software libre y de cultura libre y etc. Pero como que iban más separadas. Todavía sigue siendo como una cosa bastante complicada de poner junta, pero creo que, pues... Digamos que la forma en la que más claramente las personas que hacen defensa de derechos humanos, por lo menos en estas regiones... ¿Quieres que me calle? ¿O sigo? Quizás. Un poquito. Parece un poquito. Ok. Lo que más visualizan, digamos, es justo cómo las vigilancias y las violencias que se viven en lo físico están muy, muy, ¿cómo se dice? Como potenciadas por las vigilancias y los procesos... también de violencia que se vive en lo digital, digamos, ¿no? O sea, sí se potencian esas estructuras físicas de opresión a partir de tecnologías digitales. Entonces, pues ahí empezó a tener un poco más de sentido esa confluencia para las personas con las que hemos trabajado muchos años. ¿Qué quedó ahí? Sí. Es importante dar ejemplos más concretos, quizás. Es muy interesante. Du coup, je lui avais demandé de parler de son collectif, de où est-ce qu'elle vient politiquement. Et elle a raconté que, voilà, Elles ont commencé il y a 10 ans au Chiapas, avec un travail de mise en relation des défenseurs du territoire et bon, plus ou moins de mettre l'utilisation des technologies au service de leur lutte. Donc voilà, avec un travail autour des softwares libres, de la culture de l'open source. Et c'était quelque chose a priori plutôt difficile à mettre en relation, donc c'était pas évident au départ. Ensuite, la répression au Mexique a évolué. Et en fait, c'est devenu beaucoup plus clair qu'on a visualisé de manière beaucoup plus claire que les violences bien concrètes, physiques, dans nos corps, étaient bien soutenues par les technologies digitales. Donc, ça a permis de clarifier les lignes et de simplifier la collaboration. Pues quizás la otra cosa que fundamentalmente trabajamos tiene que ver con pensar, hacer, soñar, encarnar tecnologías diferentes que pongan de manifiesto como esa relación entre quizás un poco lo que trabajamos hoy, ¿no? Como esos despojos de alientos de vida, lo llamaría yo. Sí, ya sé. Voy a pensar otra cosa. Je lui faisais une grimace avec les yeux pour dire je ne comprends pas ce mot. Demasiado metafórico. Trop métaphorique. Como, sí, de formas de vida. Hace poco en una conversación yo decía es que ¿cuáles son las cosas principales que tendrían que cambiar en la tecnología? Y digo, bueno, pues el derecho a decir que no. O sea, no hay derecho a que las personas digan que no quieren cierto desarrollo porque hay una imposición o legal, o física, o ultrafísica, digamos, o sea, como muy violenta, ¿no? Entonces no hay eso. Y parte de como del trabajo de reflexión también tiene que ver con eso, con caminar esas cosas. Una cosa más voy a decir. Ok. D'abord, je traduis ça. Alors. Un autre aspect de notre travail, c'était donc d'articuler, penser, faire et rêver des techs différentes, des technologies qui mettent en avant d'autres formes de vie. Mais en même temps, voilà, parce que le problème principal, c'est que, voilà, je me rappelle qu'on m'avait posé la question, qu'est-ce qui doit changer dans la tech, quelle tech tu veux ? Elle me dit, mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas cette question, on n'a pas le choix. Les choses nous sont imposées, soit d'une manière légale, soit d'une manière physique, soit d'une manière concrète, voilà, on n'a pas le choix de nos technologies. Et donc, c'est ça, la réflexion, c'est autour de cette réflexion qu'on travaille. Y quizás lo último que quería compartir es que algo que es muy importante para nosotras es no hacer esto. O sea, si bien nuestro acercamiento es desde el software libre, es desde los procesos de defensa de territorio, es desde los espacios lo más emancipadores que se puedan, no hacerlo desde una visión criminalizante, digamos. Si las personas usan la tecnología que usan para hacer los procesos que necesiten hacer, está bien, digamos. O sea, no es independiente, digamos, de cómo nosotras la veamos y hay un camino que recorrer que nos hace llegar hacia una toma de decisiones diferentes y hay un montón de procesos de aprendizaje en las personas que nos facilita, digamos, relacionarse con otras tecnologías y... Entonces, por eso nos parece muy importante no criminalizar, digamos, como los usos. Et voilà. Et du coup, le dernier aspect de ce qu'on fait, c'est que, justement, on essaye de ne pas le répéter. À savoir qu'on essaye de ne pas imposer... on aime les softwares libres, on aime des trucs qui respectent les territoires et des technologies qui nous vont. Et en même temps, on essaye de ne pas criminaliser. On essaye de ne pas avoir une démarche et une perspective qui dit c'est telle tech que tu dois utiliser. Les personnes, elles utilisent les techs qu'elles ont. Elles sont parfois imposées. Et en fait, il y a un long chemin, parfois difficile, d'apprentissage des technologies alternatives et ça c'est pas facile et du coup ça explique aussi qu'elles sont moins utilisées et c'est autour de ça qu'on travaille. Super, merci. Ouais. Merci. Muchas gracias a ustedes. Merci beaucoup à vous. Infrastructure, damn, infrastructure, cyberféministe, infrastructure, cyberféministe, Radio Live. Et ben merci pour cette improvisation musicale vraiment au pied levé. Parce qu'on peut dire qu'en fait, autour de la table, il y a quand même pas mal de monde. Et il y a par exemple une petite équipe qui s'est constituée depuis hier pour faire de la musique en live. Et voilà, merci. C'est la Jingle Team. Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire des jingles, alors c'est des jingles en direct. Et on va finir pour aujourd'hui parce que là on arrive à 23h. Au début on avait dit on fait une demi-heure, puis c'est une heure, puis finalement c'est plus. J'ai enregistré aujourd'hui une petite présentation par Spider Alex d'un dispositif qui est en permanence sur le THF, c'est le Vidéoton. C'est une façon, de collecter des archives et de la mémoire sur toutes les hackeuses et toutes les activistes qui ont envie de présenter leur projet. Alors on va elle l'explique très bien. Donc je vous propose qu'on finisse en écoutant Spider Alex et peut-être aussi de la musique pour faire une petite pause de traduction et tout. Cosa de solo estar, se trata de avanzar, si tú caminas la vida avanza contigo, si te detienes sin ti seguirá. Ve siempre en busca de tu destino. No te detengas, pero siempre mira atrás. Cada paso es parte de tu legado. Cada acción puede llevarte al camino indicado. O puede que te equivoques, solo piensa que de un error puede que algo aprendas. No hay fórmula perfecta, así que experimenta. Es el crecimiento personal tu recompensa. Ir poco a poco creándote a ti mismo. Tu peor enemigo será tu conformismo. Mira al abismo, pero evita caer. Que sobre tu vida solo tú tengas poder. No hay nada que perder y todo que ganar. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Hey, compañeras, hay un videotón que está instalado en el laboratorio Artemisa. Vais a la sala Artemisa, ahí hay una puerta. Os entráis dentro del espacio, vais al fondo del pasillo a la derecha y os encontraréis un pequeño ordenador con una webcam y os podéis hacer una autoentrevista a vosotras mismas. La primera pregunta es presentaros, la segunda es háblanos de un proyecto de infraestructura feminista del cual formas parte y la tercera pregunta es para ti, ¿qué es infraestructura feminista? Estas entrevistas se van a poner a disposición en el repositorio de Anarca Server y estarán con una licencia libre. Invitamos a todas las participantes del THF a venir y compartir sobre sus propias prácticas y definición de lo que es infraestructura feminista. Muchas gracias. Spider Alex, est-ce que tu peux nous expliquer où on est? Oui, bonjour. Ici, on est dans l'espace Artemisa, qui est un espace, un laboratoire féministe d'une copine qui habite à Calafo, qui s'appelle Nani, qui fait de la peinture, de la production audiovisuelle et plusieurs choses. Cet espace avant, c'était le fameux laboratoire hardware Petzblenda, dans lequel il y avait les copines de Ginepunk et d'autres projets qui habitaient ici. Donc, comme Calafo, il y a toujours des collectifs, des nouveaux habitants, les espaces mutent. Donc, actuellement, c'est Artemisa. Donc Nani a eu la gentillesse de nous prêter cet espace pendant la convergence transac féministe pour installer un petit dispositif qu'on va avoir en fonctionnement toute la rencontre, qui est un vidéoton, basiquement. Donc ce vidéoton, c'est un petit ordinateur avec une petite caméra webcam et un petit patch Pure Data. On pourra un peu discuter un peu plus des aspects techniques du projet. Mais basiquement, c'est pour faciliter que les participants du THF puissent venir ici et dans le calme et la tranquillité, se faire une petite entretien à elles-mêmes. Et donc, dans cet entretien, le dispositif te pose 3 questions et tu lances toi-même l'enregistrement. La première question, c'est « Présente-toi, qui es-tu ?» La deuxième question, c'est « Expliquer un projet d'infrastructure féministe de laquelle tu formes part, de laquelle tu fais part ?» Et la troisième question, c'est « Pour toi, c'est quoi de l'infrastructure féministe ?» Et ça fait longtemps que vous faites ce projet ? Ça fait longtemps. Bon, le projet, il a commencé en 2009. Le projet Lela Coders fait partie d'un collectif cyberféministe catalan duquel je fais part et qu'on a fondé en 2007, qui s'appelle Donestech, ce qui est Femtech en catalan. Un de ces projets, en 2009, a commencé à essayer d'investiguer la contribution que les femmes et autres identités de genre non-binaires ont fait au développement de la science informatique. Parce qu'il y a toujours cette idée qu'il y a eu peu de femmes qui ont participé au développement de la computer science, mais en fait, c'est tout à fait faux. C'est juste que leur contribution a été minimisée ou effacée systématiquement. Donc, aux mises en départ de cette investigation sur la Her Story, non, la contribution de ces femmes au développement de ce type de technologie numérique, on a commencé à s'intéresser et on a voulu faire des entretiens avec des femmes hackers qui contribuent à la culture hacker, au développement de logiciels libres dans l'actualité. Donc en 2009, moi j'ai commencé à voyager et puis quand je pouvais, je faisais des entretiens. Actuellement, pendant très longtemps, ces entretiens, comme c'était vidéo, on les a mis dans la plateforme Vimeo. Mais maintenant, comme on a développé notre propre infrastructure, on a un serveur féministe depuis plusieurs années. Il y a 3 ans, on les a déménagés dans Anarca Server, qui est un serveur féministe. Donc c'est dans un repositoire. On peut les consulter. On peut les consulter, on peut les voir, elles sont en ligne et c'est pour ça qu'elles sont faites. En fait, c'est des entretiens dans lesquels qu'on fait avec toutes ces personnes pour montrer la diversité des contributions que les femmes et autres identités font à la culture libre, à la culture hacker. Et on essaie aussi de comprendre comment elles se sont mises. Donc en général, la première question qu'on leur pose toujours, c'est ta première mémoire de quelque chose technologique. C'est toujours super beau et super intéressant ce qu'elles nous répondent. Et après, comment tu as appris? C'est quoi tes processus d'apprentissage? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Pourquoi c'est important? Et bon, différentes. Il y a des questions qui se répètent assez systématiquement. Il y a des entretiens en anglais, en portugais, en espagnol, en catalan. Il y en a 50. Il n'y en a pas non plus des milliers. Mais c'est des entretiens quand même assez longs et qui montrent une très grande diversité. Pourquoi il n'y en a pas plus? Parce que c'est un travail volontaire. On n'est pas financé pour faire ça. Et puis ça prend du temps, non? De trouver les personnes, de faire l'entretien, d'avoir cette conversation, d'éditer la vidéo, etc. Donc en fait, c'est un travail d'amour, basiquement, non? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben que cette année, avec cette convergence transac féministe et toutes ces personnes qui venaient à cette rencontre, je me suis rendu compte que je n'aurais pas le temps de faire ces entretiens. Mais pour moi, c'était fou de ne pas pouvoir faire des entretiens avec toutes les participantes qui venaient pour mieux comprendre leur perception d'infrastructure féministe. Et c'est là où B01 m'a dit « Mais pourquoi On ne fait pas un dispositif qui automatise ça. Et ça me plaît beaucoup l'idée que les machines travaillent pour nous, parce qu'en général, elles travaillent un peu contre nous, ou elles sont designées pour ne pas nous faciliter la tâche. Donc là, basiquement, ce qui a été fait, c'est prendre un petit ordinateur qui est installé avec New Linux. Et B01 avait déjà fait ça dans le passé, donc il avait un patch Pure Data qu'il a adapté pour cette rencontre. C'est quoi un patch Pure Data ? Donc Pure Data, c'est un programme de logiciel libre qui a été développé dans les années 2000 qui facilite de coudre du logiciel presque. Donc c'est un programme très visuel qui permet de automatiser des processus et ça peut te permettre de faire fonctionner une Arduino pour activer des lumières ou faire, c'est très versatile, ou faire de l'animation vidéo. Ça permet de faire beaucoup de choses très très différentes. En général, c'est un peu les personnes qui sont artistes à la frontière de l'art numérique qui font du pure data. Mais si une personne qui nous entend est intéressée à « Ah, mais c'est quoi ça de coudre du programme ?» ben, elle pourrait un peu regarder comment c'est pure data parce que c'est un truc très visuel. Donc, ça permet de faire des choses versatiles. Et dans ce cas, ce que ça a permis, c'est de dire à ce petit ordinateur qu'il est un script en fonctionnement tout le temps et que lorsqu'une personne vienne, elle trouve un écran d'accueil qui lui dit « Ok, appuie sur le bouton espace pour commencer l'auto-interview. » Et quand il le fait, ce qu'elle va se trouver, c'est la première question qui dit « Présente-toi ». Et donc, pour la première question, on a mis une limite de 5 minutes. On a pensé qu'en 5 minutes, c'était possible de se présenter. Donc là, je dirais « Bonjour, ici Spider Alex avec Karine. C'est super, on va se présenter. » Et après, j'arrête, on voit le petit point. Tu peux en profiter pour te présenter. Non, non, ça serait trop maintenant. Je vais me centrer sur le dispositif. Mais on voit le petit point qui clignote, voilà. Donc, c'est la typique image de « Ah, ça enregistre. » Donc là, ça y est, je me suis présentée, j'arrête. Il y a la deuxième question qui arrive. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet infrastructure féministe duquel tu formes part ? Donc, pour nous, c'était important que les gens partagent leurs initiatives parce qu'il y a énormément de diversité. Donc moi, je fais partie d'un projet qui s'appelle Anarcha Server, qui est un serveur féministe, etc. Donc j'expliquerai un peu tout ça. Là, on a mis une limite de 10 minutes. Ouais. J'arrête. Et après, la troisième question qui m'intéresse beaucoup, c'est comment tu définirais l'infrastructure féministe ? Parce que c'est quand même une question, c'est pas si facile que ça. En tout cas, pour moi, une chose très importante de l'infrastructure féministe, c'est quelque chose qui systématise des processus pour nous faciliter la vie. Et je pense que ce vidéoton synthétise cette question. Je n'ai pas le temps de faire les entretiens. Je veux que les entretiens soient faits parce que c'est important pour moi. Je vais systématiser un processus qui me permet de faciliter cette possibilité. Donc là, je pense que ouais, ça symbolise assez bien ce que j'entendrai par infrastructure féministe. Parce que là, en fait, ça, c'est la thématique de cette rencontre Transac féministe, c'est infrastructure féministe. Mm-hmm. Est-ce que c'est ce thème-là, c'est vraiment spécifique à cette rencontre ? Ben, c'est quelque chose. Depuis la première convergence Transac féministe qu'on avait organisée en 2014, les deux gros sujets qu'on avait mis sur la table pour cette rencontre, c'était la gynécologie autogérée avec tout le champ d'investigation gynépunk. Donc, et l'autre, c'était les serveurs féministes, parce qu'à cette époque-là, on avait détecté qu'il n'y en avait pas énormément. Donc, on se demandait comment faire pour qu'il y en ait plus et comment faire pour commencer à créer des serveurs féministes. De là, il y a eu toute une multiplication d'initiatives et d'expériences autour de ces deux questions-là. Donc, ça a vraiment généré un imaginaire qui a permis de distiller des pratiques et des projets et des initiatives. Et dans la onde, moi, je suis plus restée dans la question des serveurs féministes, non ? Et on a très, très vite parlé d'infrastructure féministe. Mais après, on s'est rendu compte qu'en fait, l'infrastructure féministe, elle ne pouvait pas se limiter juste à la création d'infrastructures critiques numériques, comme des serveurs, des listes, des espaces, mais qu'elle était beaucoup plus ample, en fait, non ? Et qu'elle recoupait aussi tous ces autres projets, non ? Qui permettent de créer des ressources qui couvrent les besoins des féministes et de l'agenda féministe pour avancer nos luttes, en fait. Et donc, toutes ces conversations qui ont été aussi assez prises en main par les collectifs féministes en Amérique latine, surtout, eh ben, elles sont revenues un peu. Tu vois, cette année, qu'on a dit bon, on refait une convergence transac féministe, c'est apparu qu'il fallait le faire sur l'infrastructure féministe, qu'on ne pouvait pas rester cantonné à la question numérique, il fallait que ça soit plus ample et qu'on voulait aussi voir qu'est-ce que les gens nous disaient là-dessus, qu'est-ce qui allait être représenté, qu'est-ce que les gens pensaient qui était l'infrastructure féministe. Non, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais ouais. j'ai essayé. Bon, alors du coup, tu invites toutes les personnes qui sont là au Transac Féministe à venir à Artemisia, mm-hmm. et puis participer à ce projet. Qu'est-ce que tu vas en faire après ? D'accord, ça c'est une très bonne question. Donc l'idée c'est que je ne vais pas éditer les vidéos, puisque l'idée c'est pas, non, se refaire du travail. Donc les vidéos seront mises en ligne dans le repositoire de Anarcha Server. Donc si on va à repository.anarchaserver.org, vous allez trouver un repositoire, surtout d'images, c'est surtout des photos, mais il y a une carpette, une folder qui sont les vidéos, les lacoders. Donc dedans on fera une folder, les lacoders infrastructures féministes. On les mettra à disposition là-bas. Et ça sera accessible à tout le monde. Ça sera accessible à tout le monde. Et on écrira à la liste THF, dans laquelle il y a environ 200 personnes, pour leur dire, pour partager. Ça sera peut-être partagé dans d'autres listes féministes, comme FemServers ou GenderSec ou Cyberféministas, qui sont des listes modérées, qui ne sont pas ouvertes à tout le monde et dans lesquelles on sait qu'il y a des réseaux d'affinités de féministes, pour qu'elles puissent aussi voir toutes ces questions-là. Et bon, ben voilà, l'idée, c'était peut-être aussi de s'en emparer pour écrire un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est l'infrastructure féministe. Comme un espèce de matériel de base pour continuer à... Exact, à rendre visible la diversité des pratiques qui existent, à donner de l'espoir, parce que ça donne beaucoup d'espoir, l'infrastructure féministe. Et ce qui se passe avec l'infrastructure, c'est qu'elle est souvent peu visible, ce qui est tout à fait normal. L'infrastructure, c'est ce qui est en dessous et sur les côtés, et en général, on ne la voit pas. Et c'est pour ça qu'elle devient de l'infrastructure, parce qu'elle soutient des choses. Donc c'est normal que des fois, elle perde de la visibilité. Mais des fois, quand les choses perdent de la visibilité, on oublie de les maintenir comme il faut, on oublie d'en prendre soin. Donc c'est important aussi de se rendre compte... dans les luttes féministes, qu'on en a beaucoup, on va en avoir beaucoup à faire, la situation ne s'améliore pas. Donc qu'on donne de la visibilité à l'infrastructure qu'on a, qu'on lui donne de la force en prenant soin d'elle. Et une façon de prendre soin d'elle, c'est de la rendre visible dans nos réseaux d'affinités. Ok. T'as quelque chose à rajouter ? Non, je suis très contente de faire cet entretien avec toi et merci beaucoup pour tout le travail que tu fais de documentation. Hey, there's a Videoton that is installed in the laboratory of Artemisa. So if you go to Artemisa, you will see there's a little space with a little door. If you enter inside and you walk until the end and you go on the right, wow, you are going to find a little computer with a webcam. And there you can make a self-interview with yourself. There's three questions. Who are you? Please introduce yourself. The second question is, share with us a project you are involved with of feminist infrastructure. And the third question is, what is feminist infrastructure? Those interviews are going to be compiled in a repository inside the feminist server, Anarcha Server, and they will be available online. They will be licensed with a free license. And we welcome all participants of the Transact Feminist Convergence to come and self-interview themselves. Thank you. Oya dunia mbaya, oya dunia kali, oya dunia noma, sikia utakubali, nasema dunia mbovu, watu wanateseka, nimejionea mambo hadi nikaboeka, nasema dunia siasa, we hawendi kwa kesha, hii dunia ni deni, unatafuta pesa, hii dunia ya tesa, hii dunia sumufu, yule kauzi kubwa, uitwa mtukufu, usiseme ni mimi, mimi sijawambia, sema basi ni DJ na DJ anakwambia, ufisadi muwate, fanya haki na kweli anajita mheshimiwa kumbe ni matapeli nafanya kazi kusema ile mimi nimeona kiraia hana neno bungi wameshona ni Nairobi bado ni Nairobi bado watu wanakuliwa kama maavocado wameiba ni ado wakanunua kado akajenga gorofa kumbe ni pesa yako mimi na wastaki jukwa marapa wa ukweli mimi ndio nimebaki Mina wastaki, mina wastaki Jukwa marapa wa ukweli Mimi ndio nimebaki na itwa Yala Okay, mimi sijapita story Hii mambo ni gori Ni watu musibori Hii industry sibori Mimi sitafuti glory Mina tafuta ukweli Kama we hautafuti kazi Bado unashtuka deni wali bonge la biti, bonge bonge la kazi, kumbe bonge si bonge, tena ne bonge jambazi. Nasema watu wahame ama watu wabaki, lakini ile kitu staki mukae katikati kama masiki. Divas una divas, divas kumbe nyimu na fraiwa kama njivas, divas na katiba, divas imandikwa, divas na nini muna kubali kukaliwa. Mena wastaki, mena wastaki, chupa marapa wawo kwele mimi njo nimebaki. Nasema mena wastaki, mena wastaki, chupa marapa wawo kwele mimi njo nimebaki. Nasema mena wastaki, mena wastaki, chupa marapa wawo kwele mimi njo nimebaki. Naitwa Yawa. Merci à Joël pour la traduction dans tous les sens, à Bobby, Po et Demonios pour les jingles en direct, Merlec et Clem pour la technique, à OOOOO pour le troubleshooting. Merci à toutes les participantes et auditrices de partager leurs connaissances et projets motivantes, et aussi à toutes les personnes qui ont rendu possible cette rencontre. Vous trouverez les liens des collectifs dont on parle sur la page des Tati Geeks sur le site radiorageuse.net et sur la documentation du THF. Zoya Horn, Z-O-I-A-H-O-R-N, point anarchaserveur. Alors anarchaserveur, A-N-A-R-C-H-A-S-E-R-V-E-R, point org, / THF en majuscule 2022.